Chapitre 19e, le voyage aérien. Les premiers moments de confusion qui avaient suivi la submersion subite de la pirogue avaient permis aux prisonniers de gagner le rivage pendant que les peaux-rouges qui la montaient s'efforçaient de se sauver à la nage. L'un d'eux, celui qui avait prêté la veille sa peau de bison à la jeune indienne, avait aperçu les fugitifs se diriger vers la rive droite. Il s'élança rapidement à leur poursuite et il atteignit Marescot au moment où il allait aborder. Mais pendant qu'il cherchait à le saisir, il sentit le froid d'une lame qui lui trouait la poitrine. C'était l'ancien bandit qui, à l'aide du couteau de la gazelle, venait de se débarrasser de son adversaire. Le peau-rouge battit un instant l'eau avec ses mains, puis le coula à pic sans pousser le moindre cri. Il était mort, pour ainsi dire, foudroyé. La jeune Squaw, qui avait assisté au drame, se tenait debout sur la berge. « Attends-nous, » lui dit Marescot en la rejoignant. « Notre salut est dans la rapidité de notre course. » « Marche en avant, je te suivrai, » répondit-elle. Alors commença une course folle au milieu des arbres de la forêt. Au bout de quelques minutes, les fuyards s'arrêtent pour reprendre haleine. Marescot regarda derrière lui et il vit les peaux-rouges qui venaient de traverser la rivière précédés de leur chef et qui couraient le long de la rive avec leurs torches enflammées. « Cette neige maudite va nous trahir, » dit-il à sa compagne. « Ils trouveront dessus l'empreinte de nos pas et nous serons perdus. » « Il reste peut-être un moyen de leur échapper, » répondit l'Indienne. « Lequel ? Parle vite. Au lieu de courir tout droit devant nous comme nous l'avons fait jusqu'à présent, regagnons le rivage par des chemins détournés. Là, les arbres sont plus rapprochés et la neige moins épaisse. »« Tu as raison, » dit l'ancien chef des compagnons de l'Arche. Ils revinrent sur leurs pas, mais en inclinant du côté de l'ouest, et de temps à autre, ils tournaient la tête pour reconnaître la direction de ceux qui les poursuivaient. « Ils sont sur notre piste, » murmura Marescot pendant une courte halte, « et ils ne tarderont pas à nous atteindre. Que faire, mille tonnerres ?»« L'emportement est un mauvais conseiller, » répliqua froidement sa compagne. « Mieux vaudrait réfléchir. »« Réfléchir à quoi ? En avons-nous le temps ? Avant 5 minutes, nous les aurons sur le dos. » »« Les arbres de la forêt sont si près les uns des autres qu'ils se touchent presque, » répondit l'Indienne, « et en grimpant sur l'un d'eux, nous pourrons nous frayer un chemin au milieu des autres, sans laisser aucune trace révélatrice de notre présence. Mais on découvrira notre ruse en voyant la marque de nos pas au pied de l'arbre sur lequel nous monterons. Rien de plus facile que d'éviter ce danger, c'est de choisir un arbre le plus proche possible de la rivière. Nos ennemis se figureront que nous avons traversé le rio, ils le traverseront à leur tour et nous serons sauvés. Excellente idée, ma foi, dit Marescot, en route et à l'œuvre. Parvenus à la partie la plus boisée de la forêt, ils aperçurent un vieux chêne dont les branches de devant surplombaient les eaux, tandis que les autres s'enchevêtraient avec celles des arbres voisins. « Voici notre affaire, » fit l'ancien bandit, « mais avant de grimper sur cet arbre, il faut prendre certaines précautions pour dérouter ceux qui nous donnent la chasse. » Et joignant l'action à la parole, il piétina le sol avec les talons de ses bottes, de façon à faire croire qu'ils avaient cherché un moyen de salut dans le rio. Cela fait, il souleva l'Indienne dans ses bras, pour lui permettre d'atteindre une des branches inférieures du chêne, puis à son tour, il se hissa à la force des poignets auprès d'elle. Une fois là, ils gagnèrent les arbres voisins. Ils auraient voulu pousser plus loin leur voyage aérien, mais les peaux-rouges, qui avaient suivi leurs empreintes laissées sur la neige, se trouvaient à peu de distance, et le moindre bruit de bois brisé aurait décelé leur présence. Cachés le mieux possible et retenant leur souffle, ils attendirent avec anxiété le résultat de leur stratagème. Il parut d'abord avoir un plein succès. Les peaux-rouges, trompés par les piétinements de Marescot sur le sol, crurent que les fugitifs avaient traversé la rivière et ainsi qu'il est d'usage dans les tribus indiennes, ils tinrent conseil. La majorité fut d'avis de détacher les pirogues et de passer sur l'autre rive. Le chef eut un sourire ironique. « Mes guerriers, dit-il, se sont laissés tromper par de fausses apparences. » Mais le lynx des prairies a des yeux perçants et il sait deviner les ruses de ses ennemis. « Expliquez-vous, chef, » répliqua Pedro Diaz. Les traces empruntes sur le bord de la rivière sont bien celles du prisonnier, » continua-t-elle, « mais je ne vois pas celles de ma fille, regardez. » Les peaux-rouges secouèrent leurs torches pour en raviver la flamme, puis, s'étant penchés, ils reconnurent que la marque du pied de la gazelle s'arrêtait juste devant le vieux chêne. De son côté, le Texien venait de remarquer que la neige détachée de la grosse branche après laquelle les fugitifs s'étaient hissés formait une sorte d'amas sur le sol, et il s'écria, en désignant l'arbre, « C'est par là qu'ils ont dû fuir. »« Mon frère y voit clair, » dit le lynx des prairies avec un sourire de triomphe. « Les voilà ! Les voilà !» reprit un guerrier. « Ils sont dans cet arbre !» Et d'une voix, il indiqua un cèdre. Maresco, qui était tout oreille et tout yeux, se prit à trembler. « Nous sommes découverts, » dit-il à voix basse à sa compagne. « C'était dans notre destin, » répondit froidement l'Indienne, « et contre elle, nous ne pouvons rien. » « Allons, capitaine, donnez-vous la peine de descendre, » dit Pedro Diaz, d'un ton ironique. « La mèche est éventée, tant pis pour vous. » Maresco, ainsi interpellé, reprit tout son aplomb. « Je ne descendrai pas. Je préfère la mort, tuez-moi. » « Que faire ? » continua le Texien, en interrogeant du regard le lynx des prairies. « Il sera difficile de dénicher des oiseaux aussi haut perchés. »« Rien de plus simple, » repartit le chef des Peaux-Rouges, « c'est de couper l'arbre qui leur sert de refuge. » « Ma foi, c'est vrai, » dit Pedro Diaz, « le diable m'emporte, si j'aurais songé à cela. Vous autres enfants du désert, vous êtes très forts, et vous rendriez énormément de poids au peuple civilisé. Donnez vos ordres, et je ne doute pas du succès. » Le lynx des prairies fit un signe, et deux guerriers se mirent à scier le cèdre. « La destinée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est contre nous, » murmura l'Indienne à l'oreille de l'ancien chef des compagnons de l'Arche. « Et nous ferions mieux de descendre. »« Abandonne-moi si tu le veux, » répondit celui-ci. « Quant à moi, mon parti est pris et irrévocablement pris. Je ne bougerai pas d'ici. »« Mais nos ennemis sont agiles. Si tu ne vas pas à eux, ils iront à toi et ils te tueront. »« Soit, je ne demande pas autre chose. Mille fois plutôt cette mort que celle qu'ils me réservent. S'il en est ainsi, je reste à côté de toi et nous mourrons ensemble. » Maresco eut un moment d'hésitation. « Je ne veux pas que tu te fasses tuer pour moi, » dit-il, « ce serait la lâcheté, et je ne serais pas lâche à ce point. » Puis s'adressant aux deux guerriers qui sciaient l'arbre, « Arrêtez, je me rends !» Le lynx des prairies donna aussitôt l'ordre de discontinuer le sillage du cèdre, et quelques secondes plus tard, Maresco et sa compagne étaient de nouveau entre les mains de leurs ennemis. Le chef des Peaux-Rouges, pour déjouer toute nouvelle tentative de fuite de la part de ses prisonniers, ordonna qu'on les garrottât, puis il les fit transporter à bord d'une pirogue. Le jour venait de se lever, un jour terne d'hiver, lorsque la flottille reprit sa marche. 2 heures après, on trouva les chevaux qui devaient aller les barques en suivant les bords de la rive. La forêt avait été dépassée, et aussi loin que le regard pouvait s'étendre, on apercevait d'immenses prairies couvertes d'un épais manteau de neige. Le voyage, à partir de ce moment, s'effectua plus rapidement. Vers la fin du second jour, apparurent les premiers contreforts des montagnes rocheuses. « Quand serons-nous arrivés à votre campement ?» demanda Pedro Diaz au lynx des prairies. « Demain, » répondit celui-ci. Le lendemain, au lever du soleil, on aperçut de petits nuages bleuâtres qui émergeaient au-dessus d'une vallée. « Ces fumées que vous voyez partent des habitations de ma tribu, » dit le Peaux-Rouge au Texien, « et nous ne tarderons pas à voir accourir les femmes et les enfants de mes guerriers. »« Mais comment peuvent-ils savoir que nous arrivons ?» répliqua Pedro Diaz. « Si vous aviez à votre disposition des fils télégraphiques, je le comprendrais, mais comme vous n'en avez pas. »« Derrière ce rocher, là-bas, » interrompit le lynx des prairies, « il y avait une sentinelle qui surveillait notre retour, et elle vient de disparaître pour avertir le campement. » En effet, peu de temps après, arrivait en courant et en poussant de grands cris de joie une foule d'enfants, de femmes, d'hommes et de vieillards. Puis, au tournant de la rivière, on put voir le campement formé des tentes en peau de bison. Au centre, s'élevait une tente plus grande que les autres. C'était celle du chef de la tribu. L'arrivée des prisonniers fut accueillie par d'innombrables clameurs de joie. Les femmes se pressaient autour de Maresco et lui prodiguaient toutes les injures connues dans le vocabulaire indien. Quant à sa compagne, le sentiment qu'elle inspirait était de la pitié. Les amis de son enfant se rappelaient qu'elle avait partagé autrefois leurs jeux, qu'elle les avait aimés. Lorsque le lynx des prairies fut entré dans son wigwam, il fit un signe. L'on coupa les liens de sa fille. Elle était libre. « Souviens-toi de ton serment, » lui dit Maresco à mi-voix. « Je ne l'oublierai pas, » répondit-elle. Puis elle ajouta avec un sourire mélancolique. « Nous nous retrouverons bientôt. » Cependant, Pedro Diaz avait suivi le chef dans sa tente et lui demanda quand s'accomplirait l'acte de justice. « Ce soir, à la tombée de la nuit, le visage pâle sera attaché aux poteaux du supplice, » répondit le Peaux-Rouge. « Et votre fille ? Je lui ai pardonné. » « Et elle pourra encore être heureuse. Que voulez-vous dire ?» fit le Texien, qui ne comprenait pas le sens de ces paroles. Le chef, pour toute réponse, prit un os de bison qui lui servait de sifflet et fit entendre un appel. Un guerrier souleva la peau de cuir de la tente et entra. « Qu'on prévienne le cerf agile que j'ai à lui parler. » Cet ordre fut promptement exécuté. Bientôt parut un jeune guerrier à la figure fière et résolue. « Vous m'avez appelé, chef, me voici. »« Le cerf agile est un grand guerrier, » répondit le lynx des prairies, « et toute Nosco serait orgueilleuse de lui appartenir et d'entrer dans son wigwam. Pourquoi mon frère n'a-t-il pas fait son choix parmi elles ? J'avais donné mon cœur à ta fille, mais le sien m'a été volé, et je n'aurai jamais d'autre femme qu'elle. » « Elle sera veuve ce soir, » répondit le chef, « je te la donne. » Un éclair de joie brilla dans les yeux du jeune guerrier, puis il s'inclina et sortit de la tente. « Mais votre fille consentira-t-elle à ce que vous disposiez ainsi d'elle ? » demanda le texien au lynx des prairies. « L'homme commande et Lascaux obéit, » répondit sentencieusement le chef des Peaux-Rouges.